Chapitre 11e, l'évêque déjeune et le doyen meurt. Tandis que l'évêque de Barchester disait les grâces à sa table élégante et abondante de la salle à manger de Yola Thorne, le doyen de Barchester rendait le dernier soupir. Au moment où l'évêque de Barchester portait à ses lèvres le premier verre de champagne, le décanat de Barchester était une place vacante à la disposition du premier ministre. Avant que l'évêque de Barchester eût quitté la table, le ministre était déjà avisé de la chose dans sa résidence du Hampshire et examinait déjà les titres de 5 candidats, tous dignes de son choix. Il suffit pour le moment de dire que M. Slope n'était pas l'un des 5. Ce ne fut qu'après que la dernière bouteille eut été débouchée, le dernier speech terminé, la dernière noix cassée, que les nouvelles arrivèrent à Yola Thorne et que l'on se murmura à l'oreille la mort du pauvre doyen. Au moins tous les membres du clergé présents à la fête avaient-ils pu, jusqu'à ce moment, jouir décemment des plaisirs de toutes sortes que l'hospitalité de Miss Thorne leur avait ménagés. L'un d'eux pourtant n'était pas gai ce jour-là. Il était arrivé à Yola Thorne plein d'espoir, repassant dans son esprit toutes les paroles qu'il se rappelait avoir entendues dire à Eleanor au sujet de M. Slope, et s'efforçant d'en tirer une conclusion défavorable pour son rival. Il n'était pas venu avec l'intention arrêtée de provoquer une explication décisive, mais seulement, s'il était possible, de rentrer en amitié auprès d'Eleanor. Et avec sa disposition d'esprit, une tentative de ce genre devait nécessairement aboutir à une déclaration d'amour. Il avait, pour la première fois, passé la nuit précédente dans sa nouvelle cure. Elle avait été triste. Mrs. Grantly avait eu raison de dire qu'il fallait une prêtresse à Saint-Ébold. Assis seul devant son verre et sa théière, il pensait à Eleanor Bold et ne lui ménageait pas les reproches. Il la blâmait d'avoir un certain penchant pour M. Slope et de n'en pas avoir pour lui. Il la blâmait d'être opiniâtre, passionnée, et pourtant moins il la ménageait, plus haut elle s'élevait dans son affection. Si seulement il pouvait être convaincu que c'était par esprit de charité et non par amour qu'elle avait pris la défense de M. Slope. Une semblable conduite mériterait au contraire l'admiration, mais si... Et alors M. Arabin fourgonnait furieusement son feu, répondait brusquement à sa nouvelle servante qui entrait pour emporter le thé et se rejetait sur le dossier de son fauteuil pour dormir. Pourquoi lui avait-elle montré tant de raideur quand il lui avait fait une question si nette? Elle ne pouvait pas ignorer quel sentiment il avait pour elle. Pourquoi n'avait-elle pas répondu à sa question et mis ainsi un terme au tourment qu'il éprouvait? Puis, au lieu de s'endormir dans son fauteuil, M. Arabin allait de long en large dans sa chambre comme un possédé. Le lendemain matin, en arrivant à Yola Thorne et en se mettant aux ordres de Miss Thorne, il n'avait pas repris encore toute sa liberté d'esprit. Il avait dû d'abord s'entretenir avec Mrs. Clinton Tram, et cette dame n'avait pu réussir à tirer de lui la moindre marque de sympathie par rapport à sa Rocklore. Miss Thorne lui avait demandé si Mrs. Bold devait venir avec les Grantly, et l'accouplement des deux noms, Bold et Grantly, l'avait fait presque bondir sur sa chaise. Il était dans cet état confus d'espoir et de doute à la fois, quand il vit M. Slope, avec son sourire le plus poli, tendre la main à Eleanor pour l'aider à descendre de voiture. Sa pensée n'alla pas au-delà de ce qu'il voyait. Il ne se demanda pas si la voiture était à elle ou à M. Slope, ou à une tierce personne dont ils eussent été obligés d'accepter les offres sans qu'il y eût entente entre eux. Dans ses dispositions actuelles, cette vue suffisait pour renverser toutes ses intentions. La chose était claire comme le jour. L'eût-il vu monter en voiture à la porte d'une église, aidé par M. Slope, le voile de mariée sur la tête, la vérité n'eût pas été plus évidente pour lui. Il entra dans la maison et se trouva bientôt, nous l'avons vu, se promenant avec M. Harding. Bientôt, Eleanor entra à son tour. Il dut alors quitter son compagnon et demeurer seul ou en chercher un autre. L'archidiacre le rencontra à ce moment. « Je me demande, » dit le docteur Grantly, « s'il est vrai que M. Slope et Mrs. Bold sont arrivés ensemble. » Susan dit être presque certaine de les avoir aperçus dans la même voiture tandis qu'elle descendait de la sienne. M. Arabin ne pouvait faire qu'une chose, attester la sûreté du coup d'œil de Mrs. Grantly. « C'est une honte, » dit l'archidiacre. « Je devrais même dire de l'impudence. Elle a été invitée comme mon hôte, et si elle est déterminée à se déshonorer, Elle devrait avoir assez de considération pour moi pour ne pas le faire devant mes amis particuliers. Je me demande comment cet homme a pu être invité et comment elle a osé l'amener ici. » À cela, M. Harbin ne pouvait ni ne voulait rien répondre. Tout en accusant en lui-même Eleanor, il ne voulait pas le faire devant d'autres personnes, et il lui était désagréable de l'entendre mal juger. Mais le docteur Grantly était trop irrité pour ménager sa belle-sœur. Aussi M. Harbin le laissa-t-il aussitôt qu'il put pour rentrer dans la maison. Il n'y était pas depuis longtemps quand on y transporta la signora. Pendant quelques moments, il résista à la tentation et se tint à distance, mais aussitôt après le départ de M. Thorne, il céda à la fascination et se laissa attirer vers le serpent. Il n'est pas possible de dire comment la signora avait pu acquérir cette connaissance, mais elle savait instinctivement que M. Harbin était un admirateur de Mrs. Bold. On chasse le renard à l'aide du flair extrêmement subtil dont on sait que les chiens sont doués, mais on ne comprend pas comment ce sens peut agir chez ces animaux avec tant de finesse et de force. Il en est de même chez les femmes. On ne peut comprendre quel est chez les femmes l'organe subtil qui leur fait sentir instinctivement qu'un homme aime une femme ou qu'une femme aime un homme. Un regard, une parole, un mouvement leur suffit. Par un exercice habile de ce sens féminin, la signora savait que M. Harbin aimait Eleanor Bold. Aussi, la coquetterie jalouse et méchante qui lui était naturelle lui faisait-elle désirer de prendre M. Harbin dans ses filets. Son œuvre était à moitié faite déjà avant qu'elle vînt à Yulaforn. Quelle meilleure occasion pour elle de l'achever! Elle avait déjà de M. Slow presque assez, bien qu'il lui semblât être une bonne plaisanterie de rendre fou d'amour et de perdre un dévot ecclésiastique. M. Thorne s'était laissé prendre trop facilement pour qu'elle éprouvât beaucoup de plaisir de sa victoire. Sa position faisait d'elle un allié précieux. Comme amoureux, il était d'une conquête beaucoup moins désirable. On peut dire qu'elle le considérait comme un chasseur fait un faisan. L'oiseau se tut si aisément qu'il ne vaudrait pas la peine de l'abattre sans la belle apparence qu'il a dans un pâté. La signora ne voulait pas perdre beaucoup de temps à prendre M. Thorne, mais elle le trouvait bon à mettre en carnassière. Dans les circonstances difficiles où était sa famille, il pouvait être utile. Mais M. Harbin était un gibier d'autre sorte. La signora était assez intelligente pour voir que M. Harbin était un homme d'un esprit plus qu'ordinaire. Elle savait aussi que, comme prêtre, il était sur un autre pied que M. Slope et que, comme gentleman, il avait une autre éducation que M. Thorne. Elle n'aurait jamais essayé de l'humilier en le torturant, comme elle l'avait fait pour M. Slope. Elle n'aurait pas cru possible de le subjuguer en 10 minutes comme M. Thorne. Quant à M. Harbin, il ne raisonnait pas sur la signora comme celle-ci sur lui. Il la savait belle et il la sentait capable de le charmer. Dans la disposition pénible d'esprit où il était en ce moment, il avait besoin d'être charmé, et, comme instinctivement, il se dirigea vers le sofa. La signora comprenait tout cela. Charmer était un don naturel chez elle. Elle allait l'exercer sur un homme qui voulait y trouver l'oubli, comme l'Indien dans l'usage de l'opium, comme l'ouvrier de Londres malheureux et découragé dans l'abus du gin. « Pourquoi n'êtes-vous pas attiré de l'arc, monsieur Harbin ? » dit-elle quand ils furent à peu près seuls dans le salon, « ou à causer avec de jeunes dames dans le berceau, à exercer vos talents d'une façon ou d'une autre. Pourquoi donc vous aurait-on invité ici ? Ne voulez-vous pas mériter votre poulet froid et votre champagne ? À votre place, je rougirais d'être aussi inutile. » M. Harbin murmura une réponse confuse. Il voulait être charmé, mais il n'était pas en humeur de plaisanter. « Voyons, qu'avez-vous, monsieur Harbin ? Vous êtes ici dans votre propre paroisse. Miss Thorne m'a dit que cette fête était donnée expressément à votre honneur et vous êtes seul à y faire une mauvaise figure. Votre ami, M. Slope, était avec moi il y a quelques instants, plein de vie et d'entrain. Pourquoi ne rivalisez-vous pas avec lui ? Il ne fut pas difficile à un observateur aussi pénétrant que Madeleine Neroni de voir qu'elle avait frappé juste. En entendant faire l'éloge de son rival, M. Harbin eut un léger tressaillement. Elle comprit sur le champ qu'il était jaloux de M. Slope. « Mais je vous considère, M. Slope et vous, comme deux hommes absolument opposés. Tout chez vous est en contraste, sauf que vous appartenez à la même profession. Et encore, comme prêtre, vous êtes bien différents l'un de l'autre. Il aime la foule, vous, la solitude. Il est actif, vous êtes passif. Il agit, vous pensez. Il aime les femmes, vous les méprisez. Il est ambitieux et avide de pouvoir, vous aussi, mais pour d'autres raisons. Il aime la louange, vous, vous en avez une horreur ridicule. Il aura un jour le prix de ses efforts, une femme insipide et utile, un bon revenu et une réputation de sainteté. Vous aussi, vous aurez le vôtre. Ah, et quel sera-t-il ? Demanda M. Rabin, qui sentait bien qu'on voulait le flatter et qui s'y prêtait cette fois. « Quelle sera ma récompense ?»« Le cœur d'une femme que vous aimez, sans l'avouer par austérité, et le respect de quelques amis que vous appréciez, sans l'avouer par fierté. »« Oh, n'attendez pas le même genre de succès que M. Slope. Il est né pour réussir. Il se propose un objet et le poursuit avec une activité persévérante que rien ne peut distraire. Il ne connaît ni les scrupules, ni les craintes, ni les hésitations. Son désir est d'être évêque et de se faire une famille. La femme viendra d'abord, puis le tablier. Vous verrez tout cela, et alors ? Eh bien, et alors ? Alors vous commencerez à regretter de n'avoir pas fait la même chose. » M. Rabin regarda tranquillement la pelouse, et appuyant son épaule sur le sofa, il se frotta le menton avec la main. C'était son habitude quand il réfléchissait profondément. Et ce qu'avait dit la signora lui donnait à penser. N'avait-elle pas dit la vérité ? Plus tard, ne reportera-t-il pas ses regards en arrière, sinon sur M. Slope, du moins sur d'autres, moins bien doués peut-être que lui-même, qui se seraient avancés dans le monde, tandis qu'il se traînait bien en arrière ? Et ne regretterait-il pas de n'avoir pas agi comme eux ? N'est-ce pas là une fatalité qui pèse sur les hommes de talent qui s'absorbent dans la méditation ? Dit-elle. Ne sont-ils pas tous assis comme vous êtes là, vivant comme dans un autre monde, s'ingéniant à couper des fils de soie avec des lames bien affilées, tandis que d'autres, d'une intelligence moins haute, tranchent tous les jours les nœuds gordiens qu'ils rencontrent dans la vie et conquièrent richesse et renommée. Le poli éclatant de l'acier, la finesse et le tranchant des lames n'ajoutent rien à l'efficacité des armes dans les luttes des hommes pour le pouvoir et la fortune. Quelle était donc cette femme qui lisait ainsi les secrets de son cœur et qui réveillait en lui les pénibles pressentiments que si souvent il avait eus lui-même? Il la regarda bien en face quand elle eut fini de parler et lui dit « Suis-je donc alors une de ces lames bien trop affilées et trop fines pour être d'utiles instruments de travail ? Pourquoi vous laissez-vous distancer par les Slopes du monde ? Dit-elle. N'avez-vous pas dans les veines un sang aussi chaud que le sien ? Votre pouls ne bat-il pas aussi vite ? Dieu n'a-t-il pas fait de vous un homme auquel il a signé sa tâche ici-bas, et avec sa tâche le prix de son travail ? » M. Rabin réfléchissait et se frottait le menton, se demandant pourquoi on lui tenait ce langage, mais comme il ne répondait pas, la signora continua. « La plus grande erreur que l'on puisse commettre ici-bas est de croire que les biens de ce monde ne valent pas la peine qu'on s'efforce de les gagner. Et cette erreur est si nettement en contradiction avec la religion que vous prêchez. Pourquoi Dieu permet-il à ses évêques d'avoir leurs 5 ou 10 000 livres par an, si cette richesse est mauvaise et ne mérite pas qu'ils la reçoivent? Pourquoi tant de belles choses, de plaisirs de toutes sortes, sont-ils mis à notre portée, sinon pour que nous en jouissions? Ils sont faits pour être goûtés par quelqu'un, et ce qui est bon pour un laïc ne saurait être mauvais pour un prêtre. Vous faites effort pour mépriser ces bonnes choses, mais votre effort est sans succès. « Dites-vous cela pour moi, » dit M. Rabin, encore plongé dans ses réflexions et ne pensant pas à ce qu'il disait. « Je vous pose la question, y réussissez-vous ? » M. Rabin la regarda d'un air malheureux. Il lui semblait qu'il était interrogé par son propre génie familier, à qui il ne pouvait refuser une réponse ni en faire une qui fût contraire à la vérité. « Voyons, M. Rabin, avouez-le, y réussissez-vous ? L'argent est-il si méprisable ? Le pouvoir si dénué de valeur, la beauté de la femme une bagatelle qu'un homme sage doive compter pour rien ? » La beauté de la femme, dit-il en considérant son visage, comme si tout ce qu'il y a de beauté au monde y était concentré. Pourquoi dites-vous que je la compte pour rien ? Si vous me regardez ainsi, monsieur Rabin, je changerai d'opinion. Ou plutôt, j'en changerai si je ne savais que je n'ai point cette beauté qui captive. Monsieur Rabin rougit vivement. Quant à la signora, son teint ne s'anima que légèrement. Elle attendait un compliment de son admirateur, mais elle lui fut plutôt reconnaissante de ne pas le lui adresser. Messieurs Slope et Thorne et tant d'autres ne lui ménageaient pas les compliments. Elle espérait plutôt amener enfin M. Arabin à lui parler durement. « Mais votre regard, dit-elle, marque l'étonnement, non l'admiration. Vous êtes étonné de ma hardiesse à vous faire de semblables questions sur vous-même. »« C'est vrai, dit-il. Néanmoins, j'attends une réponse, M. Arabin. Pourquoi les femmes ont-elles été créées belles et les hommes ne doivent pas faire attention à elles ?»« Mais les hommes font attention à elles, répondit-il. Et pourquoi pas vous ? Ne vous êtes-vous pas fait une règle de dédaigner la société des femmes ? Voyons un peu. La veuve Bowles, en ce moment, cherche à vous voir de sa chaise. Que diriez-vous d'elle comme compagnon de votre vie ? » M. Arabin se leva et, s'appuyant sur le sofa, regarda à travers la porte du salon Eleanor assise entre Bertie Stanhope et M. Slope. Elle saisit son regard et détourna le sien. Eleanor n'était pas à son aise. M. Slope faisait de son mieux pour attirer son attention. De son côté, il tâchait de se soustraire à sa conversation en parlant à M. Stanhope, tandis que sa pensée était toute à M. Arabin et à Mme Neroni. Bertie s'efforçait d'être aimable. Pourtant, il songeait plutôt à la manière dont il se jetterait à ses pieds à la première occasion qu'à l'amuser dans le moment. « Voyez, dit la signora, elle tendait sa jolie tête pour vous regarder et vous l'avez troublée. Allons, je crois que je me suis trompé sur votre compte. » Et que vous trouvez Mrs. Bowles d'une femme charmante. Vos yeux semblent le dire, et les siens semblent montrer qu'elle est jalouse de moi. Voyons, Monsieur Arabin, confiez-vous à moi, et si vraiment vous l'aimez, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour favoriser votre union. » Je n'ai pas besoin de dire que la signora n'était pas sincère dans son offre. En pareille matière, elle ne l'était jamais. Elle n'attendait la franchise de personne et ne croyait pas que d'autres l'attendissent d'elle. Les affaires d'amour étaient ses jeux à elle, son billard, ses chasses à cours, ses valses et ses polkas, ses pique-niques et ses parties de plaisir. En ce moment, elle jouait avec M. Arabin et ne comptait pas sur une réponse sérieuse et vraie. « Tout ce qui est en votre pouvoir ne serait rien, dit-il, car Mrs. Bowles est déjà, je le suppose, engagée à un autre. Alors, vous reconnaissez vous-même que c'est cet obstacle qui vous arrête. Vous me soumettez un interrogatoire en forme auquel je ne sais trop pourquoi je réponds. Mrs. Bowles est une femme belle, aussi intelligente que belle. Il est impossible de la connaître sans l'admirer. Ainsi, vous trouvez qu'elle est très belle, assurément, et qu'elle serait l'ornement de la cure de Saint-Évold. Il n'est pas de maison dont elle ne fit l'ornement. Et vous avez l'effronterie de me dire cela à moi, qui, vous le savez, ait la prétention d'être belle aussi et qui, en ce moment, prend un si vif intérêt à vos affaires. Vous avez l'effronterie de me dire que Mrs. Bowles est la femme la plus belle que vous connaissiez. Je n'ai pas dit cela. Vous êtes plus belle encore. Ah, c'est quelque chose. Je pensais bien que vous ne deviez pas être si insensible. Vous êtes plus belle, plus intelligente encore, peut-être. Merci, merci, Monsieur Arabin. Je savais bien que nous deviendrions amis. Mais pas un mot de plus. Vous parleriez jusqu'à minuit que vous ne sauriez rien dire de mieux. Mais, Madame Neroni, Mrs. Bowles, je n'écouterai pas un mot sur Mrs. Bowles. Son nom me donne des idées folles de strychnine, mais je consens à lui laisser la seconde place. Sa place? Je ne veux rien entendre ni d'elle ni de sa place. Je suis satisfaite, cela suffit. Mais, Monsieur Arabin, je meurs de faim. Si belle et si intelligente que je sois, je ne puis aller chercher à manger. Et vous ne m'apportez rien? Cela était d'une vérité si évidente que M. Arabin dut s'exécuter. Il passa dans la salle à manger et prit certaines choses pour la signora. « Et vous? Dit-elle. Oh, je n'ai pas faim. Je ne mange jamais à cette heure. Allons, allons, M. Arabin. Que l'amour ne trouble pas votre appétit. Il ne trouble jamais le mien. Donnez-moi un demi-verre de champagne et allez à table. Mrs. Bowles me ferait un affront si vous demeuriez plus longtemps avec moi. » M. Arabin suivit cet avis. Il prit l'assiette et le verre de la signora, passa dans la salle à manger et prit sur la table un sandwich qu'il mangea dans un coin. Tandis qu'il était ainsi occupé, Miss Thorne, qui ne restait pas assise un moment, éprouva une vive contrariété en le voyant debout. « Oh, cher Monsieur Arabin, dit-elle, n'avez-vous pas pris place encore? J'en suis bien contrarié. » Monsieur Arabin l'assura qu'il arrivait seulement dans la salle à manger. « Raison de plus pour ne pas perdre de temps. Venez, je vais vous faire place. » « Merci, ma chère, » dit-elle, voyant que Mrs. Bold essayait de se lever. « N'en faites rien, je vous prie. Toutes les dames suivraient votre exemple. Mais peut-être si M. Stanhope a fini. Seulement pour une minute, M. Stanhope, jusqu'à ce que je puisse trouver une autre chaise. » Ainsi, Bertie dut céder la place à son rival. Il le fit avec tant de bonne grâce, selon son habitude, que M. Harbin ne put refuser la chaise qui lui était offerte. Il s'assit, et Mrs. Bold se leva, comme pour suivre son voisin. « Ne bougez pas, je vous en prie, » dit Miss Thorne, forçant presque Eleanor à se rasseoir. « M. Stanhope ne nous quitte pas. Il se tiendra derrière vous en galant chevalier qu'il est. Mais j'y pense. M. Harbin, permettez-moi de vous présenter à M. Slope. » M. Slope, M. Harbin. Et les deux hommes se firent un salut raide au-dessus de la tête de la dame qu'ils voulaient épouser, tandis que le troisième prétendant, debout derrière eux, les regardait faire. Les deux premiers ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, et l'occasion n'était pas propice pour une conversation cordiale, si une telle conversation entre eux pouvait jamais être possible. Quoi qu'il en soit, les quatre personnes qui formaient le groupe demeurèrent muettes. M. Slope ne demandait qu'une chose, c'est de voir Eleanor se lever pour pouvoir la suivre. Bertie était moins impatient. Il était déterminé à épouser Mrs. Bold, si c'était possible, et à faire ce jour-là le premier pas. Mais il avait le temps encore. Il ne voulait pas faire une offre de mariage sur la nappe de la salle à manger. Ayant cédé de bonne grâce sa place à M. Harbin, il ne voulait pas lui disputer une conversation avec la future Mrs. Stanhope tant que les situations n'étaient pas encore réglées. M. Harbin, après avoir salué M. Slope, se mit à manger sans prononcer une parole. Il était tout à ses pensées et mangeait machinalement. C'était la pauvre Eleanor qui était surtout à plaindre. Le seul ami sur lequel elle pensait pouvoir compter était Bertie Stanhope, et il semblait décidé en ce moment à l'abandonner. M. Harbin n'essaya pas de lui adresser la parole. Elle dit quelques mots en réponse à quelques remarques de M. Slope, puis, trouvant la situation insupportable, elle s'élança de sa chaise en dépit de Miss Thorne et se précipita hors de la pièce. M. Slope la suivit. L'occasion était perdue pour le jeune Stanhope. Madeleine Neroni, demeurée seule, ne put s'empêcher de réfléchir longuement sur la singulière entrevue qu'elle venait d'avoir avec cet homme singulier. Elle ne lui avait pas dit une parole qu'elle voulut lui faire accepter comme vraie, et lui avait toujours répondu avec une entière franchise. Elle avait tiré de lui son secret, elle avait amené à mettre son âme à nu. Il aimait Eleanor Bold, mais sans la trouver aussi belle qu'elle-même. Il désirait voir Eleanor pour femme, mais il convenait qu'elle était moins richement douée encore qu'elle-même. Ce professeur érudit, cette gloire d'Oxford, cet écrivain de traités religieux, ce prédicateur si estimé, avait été comme un enfant entre ses mains. Elle avait en quelque sorte retourné son cœur et y avait lu aussi aisément que dans celui d'une jeune fille. Elle ne pouvait s'empêcher d'avoir quelque dédain pour tant de simplicité et d'ingénuité, mais ce genre de faiblesse, auquel elle n'était pas habituée, avait pourtant du charme pour elle. Elle sentit qu'elle ne pourrait jamais humilier et ridiculiser un homme de cette sorte, comme elle était disposée à le faire pour les Slope et les Thorne. Elle sentit qu'il n'amènerait jamais M. Harbin à lui faire des protestations mensongères. Il était clair qu'il était sérieusement amoureux de Mrs. Bold, et la signora, avec une bonté d'âme qui ne lui était pas ordinaire, commença à se demander si elle ne pourrait pas le servir. Naturellement, Bertie passerait d'abord. Il était entendu et arrangé parmi les Stanhope que Bertie devait, s'il était possible, épouser la veuve Bold. Madeleine savait trop combien ce mariage était important pour sa famille, combien il était désiré par sa sœur, pour le contrarier, aussi longtemps que cette union demeurerait possible. Mais elle était convaincue qu'elle ne l'était pas. Elle ne croyait pas vraisemblable que Mrs. Bold acceptât un homme dans la position de son frère. Elle l'avait souvent dit à Charlotte. Elle inclinait à croire que M. Slope avait plus de chances de succès. Mais elle voulait se donner le triomphe de dépouiller M. Slope de la femme qu'il recherchait. Ainsi, la signora résolut, dans le cas où Bertie échouerait, de faire une bonne action une fois dans sa vie et de céder M. Harbin à la femme qu'il aimait.